Pour célébrer le 7e congrès du Parti du travail de Corée, les ambassades coréennes en Chine, au Vietnam, en Mongolie, au Népal, à Singapour, en Iran, au Cambodge, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, en Grande-Bretagne, en Italie, en Tchèque, en Pologne, en Guinée, au Congo démocratique, au Nigeria, en Égypte, en Éthiopie, au Sénégal, au Mexique et au Pérou, ainsi que la représentation permanente coréenne à l'Office de l'ONU et institutions internationales à Genève, ont organisé du 10 au 16 courant des expositions de livres et de photos et les séances de films. Les diplomates coréens y ont invité les délégués des ministères de gouvernement, des partis politiques, des établissements et des formations, les personnalités de divers milieux, les représentants des organisations d'études des études jutsées, d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen, les personnes qui ont du lien personnel avec les grands leaders coréens et des institutions internationales et régionales. Les invités ont rendu l'hommage sublime aux grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il, qui ont accompli d'immortels exploits pour la fondation et le développement du Parti du Travail de Corée.